raison. Elle était adorée à la loupe poisson. Jour de fête et dimanche, quand on la stipotait, les deux poings sur les hanches, elle se disputait. Très jolie, un peu folie, possédant un gros magot, pas bidule, fort en gueule, telle était Madame Ando. Dans les airs, et plus tard elle affronte les mers et les déserts, où Malabar captive, la croyant veuve innocente, on veut la brûler vive, c'est la mode là-bas. Folle et grave, elle le brave, ballon, tempête et fagot, le tonnerre lui fut faire reculer Madame Ando. Mais c'est surtout en Turquie qu'elle eut un vrai succès. Malgré ses 500 femmes, le sultan sert un soir, brûlant de mille flammes, lui jetant le mouchoir. Très jolie, un peu polie, possédant de gros magots, pompigule, fort en gueule, elle était Madame Ando. Mais moi je n'en ai pas encore. Allez, allez, vite, à la municipalité. Mais qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Oh, vive Dieu, mais c'est cet aventurier dans le spinot. Comment? Il est sorti de prison? Bah, est-ce qu'il n'en sort pas toujours? Oh, ça c'est vrai. Je ne sais pas comment il fait sans compte, mais toutes les semaines on l'arrête et trois jours après, on le retrouve chantant sur la place publique. Et de jolies chansons. Des chansons contre le directoire. Mais s'il ne s'en prenait qu'au directoire, ça m'affligerait bien sûr parce que je suis le perruquier de Mademoiselle Lange, la quasi-reine du moment. Mais non content de ça, vous savez que ce scélérat de Pitou s'avise de tourner autour de ma fiancée? Oh, pour ça mon garçon, tu peux dormir tranquille. Ange Pitou vient de ce côté. Ne l'attendons pas, partons. Au contraire, il faut qu'il sache que Clairette se marie. Couleurs. Oui. Et te voilà donc sorti de prison, toi? Tiens, toute la halle endimanchée. On ne finira donc pas par te pendre? Jamais, Guillaume, jamais. J'en suis à ma 50e arrestation. Libre aujourd'hui, je serai peut-être arrêté ce soir, mais on me relâchera demain. Et toujours comme ça. Mais qui donc es-tu? Les uns disent que je n'ai pas de famille, les autres que j'appartiens à Monsieur Doran. Tout le monde connaît mon histoire, excepté moi, qui ne sait ni qui je suis, ni d'où je viens. Mais pourquoi diable tous ces bouquets? Nous sommes de noces! Ah! Et voilà le futur! Tiens, mais c'est cet imbécile de Pomponnet! Ah, citoyen, hein! Mes compliments sincères! Mais je reçois des compliments. Mais le nom d'imbécile, je ne l'accepte pas! Je le retire! Ah, à la bonne heure! Et vous épousez? Notre fille! L'enfant de l'âle! Clairette! Oh, c'est Clairette! Mes compliments réitérés. Et à ce propos, mon garçon, je suis bien aise de te dire que l'honneur de notre gendre nous est aussi précieux que le nôtre. Et que si jamais un godeluro venait recouler près de Madame Pomponnet... C'est à nous qu'il aurait affaire. À nous tous. Mais pourquoi me dites-vous ça? Pour que tu le saches. Et maintenant, les enfants, partons. Ah, elle se marie malgré toutes ses promesses. Malgré la menace que je lui ai faite de me tuer si elle épousait cet imbécile. Elle l'épouse. Soit. Dieu merci, les consolations ne me manqueront pas. Témoin ce billet qu'une vieille femme m'a remis à la sortie du petit Châtelet. Citoyen, trouvez-vous demain à 4 heures à votre place ordinaire, en face le portail de Saint-Germain-l'Auxerrois. La personne qui vous remet ce billet viendra vous y chercher et vous la suivrez quand elle vous aura dit « Je viens de la part de celle qui veille sur vous ». Celle qui veille sur moi, c'est une femme.